Et les mecs, attends, les mecs, le RER. Combien d'entre vous savent qu'ils sont vivants? Toi, un jour, mon garçon, tu finiras dans le caniveau. Alors je lui ai dit, moi, vous inquiétez pas, madame, je suis déjà. Que pensez-vous de Saloon Diurne, monsieur Jean? On vient de vous engager ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, pas grand-chose, je n'ai pas encore testé, mais vu comme c'est parti, pardon. Ça m'a l'air très bon. J'espère que ça s'élèvera au moins à du 12 degrés. Ça, c'est l'Alsace. Non, mais que voyez-vous dans la poésie, dans les textes, dans l'écriture? Alain, l'un des fondateurs de Saloon Diurne, va dire une phrase qui résume un petit peu Saloon Diurne. Ce que j'aime bien chez ce mec, c'est qu'il me prend toujours des cours. Bon, c'était pas la phrase. Mais d'abord, je vois un coup. Il prend court, mais la voix longue, moi. Ah, je dirais que Saloon Diurne, c'est la conjonction interstitielle du système mégatemporel avec la... Comment dirais-je... Nous essayons dans ce groupe de restituer un état d'esprit pré-morrisonien. Je pense que la philosophie d'Althusser nous a beaucoup influencés. I'm a soul, the painter I won't ever.